Les sauterelles couvrent la terre. Tout ce qui restait s'efface. Puis les ténèbres tombent sur l'Égypte comme un voile sur chaque face. Le sacrifice, mais tu réclames tout le peuple sans compromis. Il y a des nuits où la décision est au seuil, même quand la nuit devient épaisse, ta lumière ne s'éteint pas. Et là où l'ennemi perd la vue, ton peuple voit encore grâce à toi. Même quand la nuit devient épaisse, tu prépares déjà l'aurore. Et le seuil de la délivrance n'est jamais très loin de l'ombre. Le cœur de Pharaon se ferme à nouveau. Moïse juste derrière.